Monsieur le monde dans sa triche, membre de la Chambre des représentants, est révoqué de ses fonctions de Premier ministre et de toutes ses autres fonctions ministérielles. Cependant, Monsieur Lumumba, révoqué, est sans pouvoir se permis de forcer l'entrée de notre radiodiffusion nationale. Et par deux fois hier soir, de proférer des discours délirants, appelant la population à se soulever contre le pouvoir établi légalement. Il y aurait donc d'un côté le jacobinisme marxisant de Patrice Lumumba et de l'autre le régionalisme à vocation fédérale de Joseph Kasavubu. Mais au-delà de cette opposition de façade, quels sont les véritables motifs et les enjeux de cette guerre des chefs ? Il s'agit d'abord effectivement de deux chefs au tempérament très différent et à l'itinéraire intellectuel et psychologique également très différent. Il y a la question de l'idéologie, bien sûr. Patrice Lumumba est alors en pleine maturation idéologique. En décembre 1958, il a fait le voyage d'Accra pour participer à la conférence des partis et des peuples africains organisée par Kwame Nkrumah. Et il en est revenu tout autre. Il en est revenu panafricain, anti-impérialiste, radical, opposé au néocolonialisme, acquis au neutralisme et à l'esprit de Mandung. On disait à l'époque qu'il était progressiste. Kasavubu est tout le contraire de cela. Il n'est pas moins anticolonialiste que Lumumba, mais il pense que le Congo indépendant a besoin de travailler avec l'ancienne métropole et a besoin de garder des relations étroites avec l'Occident en général. Donc sur la base de ces divergences, les deux hommes vont être emportés par les tourbillons de la guerre froide. Patrice Lumumba sera identifié au bloc communiste. En fait, il n'est pas communiste, même si la sympathie de Moscou allait indiscutablement à ce chef. On sait qu'au moment de l'annonce de sa mort, Nikita Khrouchtchev, présent à New York, va enlever sa chaussure et frapper violemment sur la table pour manifester son mécontentement. Lumumba identifié au communisme, Kasavubu va être en quelque sorte pris en charge par le bloc occidental. Du 7 au 22 novembre, Kasavubu se rend à son tour au siège des Nations Unies à Manhattan, alors que Lumumba tente en vain d'obtenir une place d'avion qui lui permettrait de s'y rendre également. Reconnu comme la seule autorité incontestable par l'organisation internationale, le président de la République a gagné la partie au moment où Lumumba la perd définitivement. Voulant rejoindre en désespoir de cause le gouvernement provincial de Stanleyville, Kisangani, qui lui est favorable, Patrice Lumumba est capturé en décembre 1960 par les troupes du colonel Mobutu, que nous écoutons, interviewé le 3 décembre 1960.